Le bonnet d'Acunha, histoire portugaise, par Hippolyte Lucas. Le roi Dom Pedro de Portugal, connu sous le nom de justicier, avait laissé 4 enfants, Ferdinand de Constance Manuel, Don Jean et Don Denis, de cette malheureuse Inès, immortalisée par le chantre des Lusiades, enfin de Thérèse de Galègue, un fils naturel qui fut maître des chevaliers d'Avis. Ferdinand monta sur le trône, et ses 3 frères brillèrent à sa cour, Don Jean par sa fierté pleine de charme, quoique un peu sauvage, Don Denis par la douceur de son caractère, le maître d'Avis par tous les dons du corps et de l'esprit. Ils étaient également chéris du peuple et des grands. Mais l'amour ne tarda pas à porter le trouble dans le royaume de Portugal auquel il avait déjà été si fatal. Don Alphès Telles, comte de Bachelos, qui après avoir obtenu la confiance de Don Pedro, sut conserver celle de Ferdinand, grand maître de la maison du roi, gouverneur de Lisbonne, s'était allié aux plus nobles familles du Portugal en mariant ses 2 filles, Léonore et Marie, la première à Don Laurent Vasco da Cunha, la seconde à Don Alvar de Sousa. Léonore et Marie étaient toutes deux admirablement belles, mais d'une beauté différente comme leur caractère. Léonore, brune au trait imposant et hardi, à la démarche vive et aisée, annonçait une âme altière et vaine. La nature, en lui donnant des yeux d'humble charmant, semblait avoir voulu adoucir son impétuosité. Mais Léonore n'en était que plus séduisante. Elle possédait, lorsqu'elle voulait plaire, une inexprimable séduction. C'était comme un voile d'azur derrière lequel s'abritait son autorité impérieuse. Marie, blonde, aux grands yeux noirs langoureux et tendres, avait un maintien modeste, grave, triste et naturel. Nulle femme n'était plus adorable. Toutes les qualités de Marie ressortirent encore davantage lorsqu'au bout d'une année de mariage, elle devint veuve et prit les habits de deuil. Il n'y eut pas dans tout le Portugal une veuve plus inconsolable ni qu'on désira plus consolée. Ce fut Don Jean qui entreprit cette bonne œuvre, tandis que le roi Ferdinand tourna ses vœux du côté de Léonore, au grand dépit de Don Laurent d'Acunha, qui ne se trompa pas sur les véritables intentions du roi. La passion du monarque, jeune et adonnée au plaisir, se dévoila surtout dans une fête imaginée par Léonore pour faire diversion à la mélancolie de sa sœur. C'était le prétexte, mais en réalité, Léonore ne songeait qu'à captiver le cœur du roi, sur lequel elle devait régner si complètement un jour. Ferdinand, Don Jean et leurs 2 frères s'étaient rendus, en compagnie de Léonore et de Laurent, à une délicieuse maison de campagne que Maria possédait sur les bords du Tage. Elle vit arriver la barque royale pavoisée des plus riantes couleurs. Il lui fallut essuyer ses larmes de veuve pour recevoir ses hôtes inattendus avec le ton affable et satisfait que réclame l'hospitalité. Après le repas, qui pour être improvisé n'en fut pas moins somptueux et délicat, la noble société descendit dans les jardins afin d'y jouir des douceurs d'un beau soir. Le spectacle était magnifique. Les fruits les plus savoureux s'offraient de toutes parts. Les plus délicieux parfums s'exhalaient de la verdure émaillée de fleurs. Le soleil couchant reflétait ses rayons dans le Tage, qui semblait rouler véritablement à sa surface des paillettes d'or. L'heureuse compagnie se dirigea vers un labyrinthe de cyprès, ornement renommé de cette belle retraite. Les labyrinthes sont faits pour qu'on s'y perde, et les couples ne tardèrent pas à se diviser et à s'y égarer. Laurent d'Acunha resta seul livré à ses méditations. Laurent d'Acunha avait 50 ans et une fortune immense, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir beaucoup d'esprit. Il n'était pas beau, mais il n'avait rien de désagréable, et il portait fort légèrement le poids de ses 50 années. Très épris de Léonore, il ne voyait pas sans effroi les hommages de Ferdinand. Il connaissait l'intraitable coquetterie de sa femme. Vieilli d'ailleurs dans le commerce des cours, il savait que les beautés les plus sévères ne résistent guère à l'amour d'un roi. Il ne se dissimulait pas que dans ces circonstances, le rôle de mari est très difficile à remplir convenablement. Il réfléchissait donc profondément à sa position. Un entretien que Don Laurent venait d'avoir avec Léonore redoublait ses perplexités. Il était tombé aux genoux de sa femme en la suppliant de s'éloigner de la cour de Portugal. « Douteriez-vous de ma vertu ?» avait répondu fièrement Léonore. « Je n'en doute pas, » s'était écrit l'infortuné Marie, qui en doutait beaucoup, « mais je crains les violences d'un prince à qui vous plaisez. Eh, monsieur, où prétendez-vous m'emmener? Est-ce ma faute si je plais? Ne plairai-je pas ailleurs? Vous plairez partout, en effet, mais pourvu que vous ne plaisiez pas des rois. Vous êtes d'une insupportable jalousie, dites plutôt que vous les m'enterrez. » Léonore, après s'être ainsi brusquement exprimée, avait quitté son mari confondu pour suivre le roi au jardin, et depuis le commencement de la promenade, Don Laurent d'Acugna avait remarqué des progrès effrayants dans l'inclination réciproque de sa femme et du roi. Don Laurent en était là, retournant à la fatale pensée qu'il lui serait presque impossible d'éviter un sort fâcheux, quoiqu'il tentât par moments de se persuader qu'il y avait plus de légèreté que d'absence de principe dans la conduite de sa femme. Tout à coup, il entendit du bruit dans le feuillage et il aperçut d'un côté Don Jean et Maria, de l'autre Ferdinand et Léonore, que les sinuosités du labyrinthe venaient de ramener à peu de distance de lui. Les deux couples, qui ne pouvaient se voir ni s'entendre, mais que lui pouvait parfaitement entendre et voir, s'arrêtèrent et s'assirent à peu près en même temps. « Donna Maria, » dit Don Jean, la veuve d'Alvar de Sosa, « pourquoi ces soupirs perpétuels? N'avez-vous pas payé un tribut de pleurs assez considérable à la mémoire de votre époux? Vous altérez ainsi vos charmes? Qu'importe, répondait l'aimable veuve, je ne veux plus séduire personne, je suis triste jusqu'à la mort. Honnête créature, murmura Laurent d'Acugna. Ô roi, disait de l'autre côté Léonore à Ferdinand, lui plaçant sur le front une guirlande de fleurs, je voudrais offrir à votre majesté une plus riche couronne que celle-là. Que ne suis-je une reine de Tyr ou de Saba? Quelles perles et quels diamants vaudraient ces simples fleurs offertes de votre main? Répondait Ferdinand avec tendresse. Plaignez-moi plutôt, moi qui n'aurais, ajouta-t-il plus bas, à vous donner un retour que la couronne de Portugal. Don Laurent d'Acugna eut envie de paraître et de troubler ce tête-à-tête. La conversation prenait un ton qui l'inquiétait fort. Donna Maria, reprit de l'autre côté Don Jean, après un moment de silence, la nature ne connaît pas les tristesses éternelles. Voyez-la, après le deuil de l'hiver, revêtir la robe éclatante du printemps. C'est qu'elle n'est pas douée comme nous de sentiments. Elle n'a reçu de Dieu ni la sympathie ni la mémoire. Parce qu'elle change, Don Jean, devons-nous changer? Voilà comment on se défend, s'écria Don Laurent. Dire que de ce côté on respecte ainsi un mari mort, tandis que de l'autre un mari vivant. Bienheureux Alvar de Sosa. À moi, reprenait Léonore, à moi la couronne de Portugal. Votre majesté y pense-t-elle? Oublie-t-elle tout ce qui m'en sépare, ma naissance, mon mari? Quels obstacles? On en a surmonté de plus grands, répondit le roi. Don Laurent sentit un frisson qui lui parcourut le corps. On en a surmonté de plus grands, répéta-t-il. Ses dents grincèrent comme si elles eussent touché une coupe empoisonnée. La nuit était venue, Don Laurent ne distinguait plus les personnages, mais il entendait leur discours. Belle Maria, poursuivait Don Jean, fermez votre cœur à l'amour. Soyez fidèle à l'ombre de Don Alvar, si vous voulez, mais ne défendez pas qu'on vous aime. Laissez-vous adorer. Que dites-vous? Répliqua Maria effrayée. Songez-vous au lieu où vous êtes. Nous ne sommes entourés que de funèbres images. La divinité qui règne ici, c'est la mort. Vous me parlez d'amour sous un cyprès. Disant cela, l'aimable veuve se leva et s'enfuit. Don Laurence était vivement préoccupé de ses dernières paroles. Quel contraste, pensait-il, entre les deux sœurs. Lorsqu'il retourna la tête et prêta son attention à la suite de l'entretien du roi et de Léonore, quelle ne fut pas sa surprise d'entendre Ferdinand dire à sa compagne « Léonore, à toi pour toujours !» Que s'était-il donc dit pour en être déjà venu à cette intimité? « Le roi tutoie ma femme !» s'écria Don Laurent, « malheureux que je suis !» Le bruit que fit Don Laurent, se précipitant comme un sanglier blessé à travers le labyrinthe, causa quelque émotion à Ferdinand et à Léonore, qui se hâtèrent de se retirer. Don Laurent continua à donner tête baissée dans toutes les allées et contre-allées du labyrinthe, où il se fourvoya plus d'une heure durant, quoiqu'il en connût parfaitement tous les détours. « Que faire ? » se disait-il. « Ma position est grave. Faut-il agir de violence et enlever ma femme au roi ? Mais outre qu'il est bien tard, peut-être, pour mon honneur, quel malheur n'attirerai-je pas sur moi ? La confiscation de mes biens sous un prétexte ou un autre, quelque attentation à personne, et la fuite de Léonore qui ne saurait manquer d'arriver. Dois-je tuer cette femme infidèle? Ainsi devrait agir peut-être un noble portugais. Mais je serai obligé de me tuer ensuite, et j'ai encore 20 bonnes années à vivre au moins. Si je ne me tuais pas moi-même, je me verrais traqué dans les pays étrangers comme l'ont été les meurtriers d'Inès de Castro. Je serais livré à la fureur du roi. Digne fils de son père, il me ferait périr au milieu des tortures. Est-il plus convenable de fermer les yeux, d'accepter ma situation, de me pousser à la cour, de profiter de la faveur de ma femme, placer tout ce que je puisse avoir de neveux, de me faire une nombreuse clientèle, de vivre aussi puissant que le roi dans la joie et dans les festins? Mais cette façon-là me répugne. Il n'est pas bon qu'un homme vive aux dépens de l'amant de sa femme. Il y a là quelque chose de honteux que le monde ne pardonne pas et le monde a raison. Je me verrais poursuivi de brocard. Cette vie ne serait pas tenable. Ô femme, ô monde injuste, où as-tu placé notre honneur? Je suis riche, estimé, estimable même, et le caprice d'un roi, joint à l'ambition d'une coquette, détruit tout à coup mon repos et mon honneur. Que dirais-je, mon amour? Car cette femme m'est chère, en dépit que j'en ai. On ne perd pas sans regret le cœur d'une si belle femme. Pauvre Don Laurent d'Acuña. Encore si je trouvais le moyen de mettre les rieurs de mon côté. Don Laurent s'essuya le front, d'où découlaient de grosses gouttes de sueur. Une idée lui traversa soudain l'esprit et il s'écria « J'y suis ». Pendant ce monologue de Don Laurent, les heureux amants étaient rentrés dans la barque royale. Maria avait consenti à retourner à Lisbonne près de sa sœur, bien que celle-ci n'eût pas mis une grande ardeur dans ses sollicitations. En revanche, les regards de Don Jean avaient été si suppliants qu'il eût été bien difficile à Marie de résister. Léonore, assurée de son empire sur le roi, n'aurait dû témoigner que de la satisfaction. Mais l'ambitieuse favorite redoutait déjà dans l'avenir le pouvoir de Don Jean si le roi venait à mourir. Elle semblait craindre d'être un jour dépendante de lui et de sa sœur, car elle prévoyait bien que Marie, en s'éloignant, faisait pour jamais ses adieux au tombeau de Don Alvar de Sosa. Marie néanmoins était pleine de troubles et de tristesse. On eût dit qu'elle prévoyait une fatale destinée. Elle s'effrayait d'un amour commencé sous des cyprès. L'ombre d'Alvar semblait errer autour d'elle et lui prédire un sort désastreux, pareil à celui d'Inès de Castro. On sait comment elle mourut. Don Jean, sur de faux rapports que la perfide Léonore lui avait elle-même fait parvenir, plongea son poignard dans le sein de Marie, avec laquelle il s'était secrètement uni à Coimbre. Le roi et Don Jean, en s'asseyant dans la barque devant les deux sœurs, étaient bien loin, eux, de pressentir des malheurs et s'abandonnaient entièrement à l'ivresse de leur passion. Les rameurs étaient depuis longtemps à leur poste. Le roi allait donner le signal du départ. Lorsque Don Laurent d'Acuña parut enfin, affublé d'une coiffure singulière que nos historiens ont seuls la licence de décrire sans périphrase. Qu'il nous soit permis de dire que c'était un bonnet comme celui des bouffons, surmonté de deux aigrettes de papier doré, légèrement recourbées sur le front. Léonore rougit excessivement en voyant cette bizarre et symbolique coiffure. « Qu'est-ce cela ? » dit le roi. « Que veut dire cette plaisanterie ?»« Sire, » répondit Don Laurent avec gaieté, « ce sont désormais les armes de ma maison. » La présence du roi réprima un sourire sur les lèvres des assistants. Mais Don Laurent s'aperçut bien qu'il avait pris un moyen original pour empêcher qu'on ne se moquât de lui, en se moquant le premier de sa disgrâce conjugale. Cependant, le lendemain, il jugea prudent de quitter le Portugal. Il parcourut divers pays en transportant de cour en cour les deux aigrettes de son bonnet. Il les avait fait travailler en or véritable, d'autres disent en argent. On assure même qu'il en amena la mode. Si l'on en croit un vieux chroniqueur, tous les maris qui se trouvaient dans le même cas que lui se mirent à porter des bonnets semblables, dits bonnets d'Acuña. Cette mode perdit beaucoup de femmes de réputation. C'était Le bonnet d'Acuña par Hippolyte Lucas.